On les répète encore une fois sans instrument. Chante ça avec ton cœur bien-aimé. Tu as dit que tu seras avec nous. Tu nous as donné la mission. Et tu seras avec nous. Merci pour ta fidélité. Ta fidélité ne dépend pas des circonstances. Car toi seul, tu es le maître de ta et des circonstances. C'est la raison pour laquelle nous te remercions. Car tu es présent au milieu de nous encore ce soir. Merci car tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous parler, Seigneur. Parle à ton peuple. Tu connais, Seigneur, les désirs de nos cœurs. Tu connais les fardeaux de nos cœurs. Tu es le Père et tu sais quoi tu veux nous dire. Tu connais la maladie du cœur de chacun de nous. Et tu connais les remèdes, Seigneur, pour chacun de nous. Père éternel, nous sommes là pour t'écouter. Que tu crois à ce que j'ai dit, Mimi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui continue à nous soutenir. Tunambariki Mungu ambaye anaendelea kututia nguvu. Dans ce programme. Katika mpango huu. Nous allons continuer avec notre sous-thème. Tutaendelea na mada yetu ndogo. La réussite dans la vie sociale. Mafanikio katika maisha ya jamii. Bien-aimés, depuis trois jours, nous sommes en train de parler de ces sous-thèmes. Siku tatu tunakuwa tukizungumzia mada hiyo. Et le premier jour, nous avons vu l'origine de la société. Na siku ya kwanza tumeona chanzo cha jamii. Nous avons vu comment créer, Dieu a créé Adam et Eve. Tumeona namna gani Mungu amemuumba Adamu na Eva. Et comment progressivement il a initié la famille. Na vile alienda kiongeza jamii kila siku. Et nous avons dit que la société ou la communauté, c'est l'ensemble de plusieurs familles. Na tumesema jamii ni wingi wa jamaa nyingi. Nous avons aussi montré que la vie sociale, nous la commençons dans la famille. Na tumesema maisha ya jamii, tunaianza ndani ya jamaa. Puisque c'est la famille qui nous forme, comment nous pouvons vivre dans la société? Kwa kuwa ni jamaa ndio natuonesha namna gani tunaweza kuishi ndani ya jamii. Si nous n'avons pas été formés dans la famille, kama hatukuweza kufunzwa ndani ya jamaa, nous serons des problèmes dans la société. Tutakuwa shida katika jamii. Et hier, nous avons vu que les plus grands problèmes de l'homme, na jana tumeona shida kubwa la mwanadamu, qui fait qu'il soit bizarre dans la société, ambayo inafanya awe mtu mubaya ndani ya jamii, c'est le problème du cœur d'abord. Ni shida la moyo wake. Nous avons vu différentes sortes de problèmes de cœur. Tumeona shida nyingi za moyo. Entre autres, le cœur malade. Moyo ambao umegonjwa. Le cœur agité. Moyo ambao unakuwa unababaika. Et nous avons vu plusieurs sortes. Na tumeona tena alama nyingi. Et chaque problème chacun de ces problèmes, na kila moja ya shida, a des conséquences qu'il produit dans la société. Ina madhara ambayo inazaa ndani ya jamii. Et lorsque les gens vivent dans la société avec ces différentes formes de cœur, na wakati watu wanaishi katika jamii na alama hizo mbalimbali za moyo, ça a des répercussions sur nos vies. Ina matukio juu ya maisha yetu. Ça a des répercussions sur nos missions. Ina matukio juu ya kazi zetu. Puisque notre pasteur nous avait dit que chaque personne sur la terre a un nom divin que le Seigneur a déjà déterminé. Mchungaji ametuambia ya kwamba kila mmoja ana jina ya Mungu ambayo ametia juu ya maisha yake. Et il y a des entraves que nous rencontrons qui font que nous puissions avoir difficile à accomplir la mission qui est attachée à notre. Na kuna shida ambazo tunakutana nazo na zinatufanya ugumu ili tuweze kutimiza kazi ambayo inakuwa juu ya jina zetu. Et l'un des problèmes provient de nos cœurs. Na moja ya shida hiyo inatokea ndani ya moyo wetu. Bien-aimés, tant que nous n'allons pas travailler sur nos cœurs, mupendo, kama hatujatumika juu ya moyo wetu, au lieu que nous puissions être la solution dans notre société, ili tuwe jibu juu ya jamii yetu, nous serons le problème. Tutakuwa shida. Nous allons être la source des problèmes. Tutakuwa chemchemu ya shida. Pourtant, le Seigneur nous a appelés à attaquer ses enfants. Ijapokuwa Mungu ametuita kama vile watoto wake. Pour que nous puissions être la solution ili dans notre kuwa société. Jibu katika jamii yetu. Chacun de nous, tel que Dieu nous a sauvés, kila mmoja wetu kama vile Mungu ametuokoa, dans notre nom divin, katika jina letu la kiungu, notre mission consiste à apporter la solution dans notre kazi société. Yetu ni kuleta jibu ndani ya jamii. Mais nous devons d'abord travailler sur nous. Lakini natubidi tutumike juu ya mioyo yetu. Vous savez que les caractéristiques que nous avons, dont nous avons parlé hier par rapport au cœur, tunajua hali hizi ambazo tumezungumzia jana kwa ajili ya moyo. Ce sont des caractéristiques normalement qui devaient être en dehors de l'église. Ni jambo ambalo lingekuwa nje ya kanisa. Mais ces choses-là sont dans nos vies à l'église. Lakini mambo haya yanakuwa katika maisha yetu ndani ya kanisa. Parce que le salut c'est un processus. Kwa kuwa wokovu ni hatua. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui je viens de recevoir le Seigneur et tout change directement. Hawezi kusema leo nimempokea Bwana Yesu Kristo na mambo yote yanabadilika katika maisha yangu. Là vous serez hypocrite. Hapa utakuwa mnafiki. C'est vrai, par la foi nous sommes devenus chrétiens. Kwa kweli katika kwa imani tumekuwa wa Kristo. Jésus Christ est venu habiter dans notre cœur. Yesu Kristo amekuja kuiketi katika moyo wetu. Mais la Bible nous dit. Lakini Biblia inatuambia. Travaillez à votre salut. Tutumike juu ya wokovu wetu. Travailler à votre salut, ça signifie continuer à exposer votre cœur au Seigneur pour qu'il puisse continuer à travailler sur votre cœur. Kutumika juu ya mioyo yetu ni kusema tutoe mioyo yetu mbele ya Bwana ili aende kutumika kila siku juu ya mioyo yetu. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un texte, mais vous allez le lire à la maison. Nitatoa usomi moja na tutenda kusoma nyumbani. C'est un long texte. Ephésiens chapitre 4. Wa Efeso sura 4. À partir du verset 17. Mustari wa 17. Jusqu'au chapitre 5. Mpaka sura ya 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Mustari wa kwanza mpaka mustari wa 13. Si nous lisons ce passage, kama tunasoma usomi huu, nous allons voir les choses que le Seigneur est en train de nous dire que ces choses-là ne doivent plus être dans nos vies. Tutaona mambo ambayo Bwana iko anatuambia ya kwamba hayastahili tena kuwa katika maisha yetu. Et ça c'est une lettre que Paul a adressée à l'église. Na hiyo ni barua ambayo mtume Paulo ameiandikia kanisa. À l'église d'Éphèse. Kanisa la Waefeso. Quand on parle de l'église, c'est-à-dire des gens qui connaissent déjà le Seigneur. Wakati wanasema kanisa ni kwamba ni watu ambao wamemjua Mungu. Ils sont déjà chrétiens. Wamekuwa wa Kristo. Mais il y a encore des choses qui sont parmi eux, des choses du monde. Lakini kunakuwa vitu vya dunia ambavyo vinakuwa miongoni mwao. Et Paul est en train d'exhorter l'église. Na Paulo yuko anaonya kanisa. Pour leur montrer les choses qui ne doivent plus rester dans la vie des enfants. Akiwaonesha mambo ambayo haiwezi tena kustahili katika maisha ya watoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons continuer à exposer nos cœurs au Seigneur. Wapendo na tubidi tuendelee kutoa mioyo yetu mbele ya Bwana ili Bwana aende kutubadilisha. Et qu'il puisse renouveler nos cœurs pour que nos cœurs soient purs devant lui. Na tupatie moyo ulio safi mbele zake. J'étais en train de dire que chaque problème de cœur produit des effets négatifs dans la communauté. Nilikuwa nikisema kwamba kila shida ya moyo inaleta matukio mabaya ndani ya jamii. Et dans la vie sociale. Na katika maisha ya jamii. Et hier j'ai essayé de donner quelques exemples. Na jana nilipima kuleta mifano mbalimbali. Des choses que nous pouvons voir. Mambo ambayo tunaweza kuona. Qui peuvent transparaître en dehors, on peut les voir dans nos comportements. Yale ambayo wanaweza kuona katika hali yetu. Mais ce sont les choses qui proviennent de l'attitude ou du forme de notre cœur. Lakini ni mambo ambayo yanatoka ndani ya moyo wetu. Nous avons parlé de cœur jaloux. Tulisema juu ya moyo ambao unakuwa na wivu. Nous avons dit que la jalousie, vous ne pouvez pas la voir à l'extérieur comme ça, au regard de la personne. Tulisema wivu hawezi uona nje ya mtu. Mais c'est logé dans notre cœur. Lakini inakaa ndani ya moyo wetu. Et c'est lorsque nous sommes entrés, c'est dans notre façon de se comporter qu'on peut voir que cette personne est jalouse. Ni katika hali yetu ya kujikamata ndipo tutaona kwamba mtu huyu anajaa wivu. En tant qu'enfant de Dieu, si vous voulez réussir dans votre vie sociale et même dans la mission attachée à votre nom divin. Kama vile mtoto wa Mungu na kama unapenda kuweza katika maisha yako na maisha ya jina lako, nous devons implorer la grâce de Dieu afin qu'il nous libère de ces choses. Neema ya Bwana ili atuokoe na mambo haya. Alléluia. Amen. Et comme la société est composée de familles, na kama vile jamii inakuwa mikutano ya majamaa, ces genres de cœur sont dans les gens qui sont dans les familles. Hizo mioyo zinakuwa ndani ya watu ambao wanakuwa ndani ya jamaa. Et comme nous sommes différents, nous ne sommes pas des robots. Na kama vile sisi ni tofauti, dans une famille, vous pouvez trouver toutes ces formes de cœur. Katika jamaa moja unaweza kukutana roho hizo zote. Si la famille est composée de 5 personnes, kama jamaa inaundwa na watu 5, peut-être vous pouvez trouver les 5 formes de cœur. Inawezekana ukutane hizo aina 5 za roho. Vous allez trouver dans une même famille, utakutana katika jamaa moja, cœur jaloux, kuna roho ya wivu, un cœur malade, kuna roho inagonja, un cœur troublé. Un cœur troublé. Kunakuwa roho ambayo inashtushwa. Et différentes formes de cœur. Namna mbalimbali za roho. Dans une même famille. Katika jamaa moja. Et chaque personne. Na kila mtu. Vient avec ses attitudes dans son cœur. Anakuja na hali yake ya moyo wake. Vous pouvez vous imaginer comment cette famille, à quoi cette famille peut ressembler. Unaweza fikiria hiyo jamaa itafanana na mna gani. Et c'est ce qui rend la vie difficile. Na ni hiyo ndio ambayo inaleta maisha yao magumu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez trouver les gens de la famille, d'une même famille. Il y a des conflits et quelqu'un peut dire: moi et ma grande sœur, on ne s'attend pas, on ne se salue pas, on ne peut même pas se parler. Ndio maana unatakutana katika jamaa moja kuna vita sana na wandugu wanasema mimi na dada yangu hatuwezi tukasemezana. Alléluia. Amen. Moi et mon père, nous ne pouvons pas nous parler, nous sommes des ennemis. Mimi na baba yangu hatuwezi zungumuza, tuko maadui. C'est le problème du cœur. Ni shida ya moyo. Nous devons résoudre ces problèmes du cœur puisque ces choses-là, quand nous les vivons dans la famille, ça se répercute sur notre société. Tunapasha kutengeneza maneno haya ya moyo kwa maana tukiendelea kuyatimiza yataleta matukio mabaya juu ya jamii. Et la vie sociale devient bizarre. Na maisha ya jamii inakuwa magumu. Imaginez-vous une maman qui a Fikiria qui a mama ambaye anakuwa une maman qui a un cœur malade. Mama ambaye anakuwa na moyo ambao umegonjwa. Qui est appelé à éduquer ses enfants. Na ameitwa kuwafunza watoto wake. Elle a mis les enfants au monde en ayant ce cœur malade. Amewazaa watoto akiwa na hiyo moyo ambao umegonjwa. Elle est appelé à éduquer ses enfants. Na ameitwa kufunza watoto hawa. Et son cœur n'est pas guéri. Na moyo wake haujapona. Vous pensez qu'elle ne va pas rendre aussi les enfants malades? Haujui kama atatia watoto nao hao wagonjwa. Parmi ces enfants-là, il y aura des enfants qui vont reproduire les mêmes choses. Nous avons une grande responsabilité. Nous devons vraiment mettre la priorité sur nos cœurs. Afin que le Seigneur guérisse nos cœurs. Combien déjà ont ajouté la requête des cœurs? Alléluia. Nous devons l'ajouter. Nous avons vu que c'est difficile que le Seigneur puisse nous donner les choses que nous lui demandons tant que nos cœurs ne sont pas encore guéris. Beaucoup de problèmes de nos cœurs bloquent l'exaucement de nos prières. J'ai parlé par rapport au cœur orgueilleux. Quelqu'un qui peut être orgueilleux pieds nus. Mtu ambaye anaweza kuwa na kiburi akitembea miguu chini. Si Dieu le bénit seulement avec les ketchup. Kama Mungu akemubariki na viatu. Il va commencer à piétiner tout le monde. Ataanza kukanyagia watu wote. Pour que tout le monde sache qu'il a porté les ketchup. Kila mtu ajue ya kwamba amevaa viatu. Parce que tellement les gens savent que celui-là ne porte pas de souliers. Kwa kuwa watu wanajua mtu huyo amevaa viatu. Il ne faut plus attention à ses pieds pour regarder. Hawataangalia tena miguu yake. Comme c'est un orgueilleux. Kwa kuwa yeye ni mwenye kiburi. Il fera tout pour que vous puissiez savoir qu'il a porté les ketchup. Il va commencer à venir vous piétiner. Ataanza kukukanyagia. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur voit ça, na kama Mungu anapoona haya, il dit non. Anasema hapana. Il faut que cet orgueil soit d'abord brisé. Inabidi kwanza kiburi hiki kivunjike. Alléluia. Amen. J'aimerais ajouter un autre élément qui fait que notre société soit bizarre, qui peut nous empêcher à réussir dans notre vie sociale. Nimependa niongeze jambo lingine ambalo linafaa jamii yetu iishi matukio mabaya. C'est l'absence de Dieu ou le refus de Dieu. Ni kumkata a Mungu. Le refus de Dieu. Kumkata a Mungu. Lorsque je parle refus de Dieu ou absence de Dieu, ce n'est pas que Dieu n'est plus omniprésent. Wakati ninapozungumzia kumkata a Mungu, haiko ya kwamba Mungu haiko mahali popote. Dieu est présent partout. Mungu iko mahali popote. Mais Dieu ne s'ingère pas dans les choses déjà si les gens ne l'invitent pas. Na Mungu hajiingize kati ya mambo ya watu kama wewe mtu haumualike. Si vous refusez Dieu, kama unamkata a Mungu, il n'est pas dictateur. Hata kukaza. Alléluia. Amen. Il va vous laisser faire vos affaires. Atakuacha utende mambo yako. Et lorsque on refuse Dieu, na wakati unapomkataa Mungu, bien-aimé, mpendwa, la place que Dieu devait occuper, nafasi ambayo Mungu angekamata, ne reste pas vide. Haitabaki wazi. Le diable lui, il va venir directement occuper cette place. Shetani atakuja kuchukua nafasi hii. Si tu dis aujourd'hui, tu décides que Jésus-Christ, je ne veux plus que tu sois dans ma vie. Kama unasema leo Yesu Kristo sikutaki katika maisha yangu. Ne pense pas que ton cœur va rester vide. Usiwazie kama moyo wako utabaki wazi. Non, il y a pas un cœur vide. Hakuna moyo ambao uko wazi. Dans le cœur, soit il y a le diable, soit il y a Dieu. Wala kuna Mungu, wala kuna Shetani ndani ya moyo. Et il y a des familles. Na kuna majamaa. Il y a des sociétés. Kuna majamii. Des écoles. Kuna masomo. Des nations. Mataifa. Qui ont refusé Dieu. Ambazo zimemukataa Mungu. Qui ont dit Dieu, nous ne voulons pas que tu viennes t'ingérer dans nos affaires. Katika maneno yetu. Je vous dis, c'est la catastrophe dans des communautés. Ni mambo ya shida katika majamii. Parfois nous qui sommes ici en Afrique. Mara nyingi sisi ambao tunakuwa pa Afrika. Lorsque nous regardons l'Europe. Wakati tunaona huko Ulaya. Et les constructions. Imejengwa. Tout ce qui est là. Yote vinavyokuwa huko. Nous voyons que la vie est bien là-bas. Tunaona kama maisha iko mzuri. Et c'est la raison pour laquelle ndio maana nous toutes les femmes de l'Afrique. Sisi wanawake wote wa Afrika. Au Congo. Hapa Congo. Et ici à l'est. Na hapa go. Toutes les femmes de l'est sont déjà violées. Wanawake wote wa mashariki wote wamebakwa. Nos frères quittent ici pour aller dans les camps. Wandugu wetu wanatoka hapa kwenda kwenye makambi. Et si tu ne fais pas violer ou faire tuer, gorger ta famille, kama haukuua ça va être difficile que tu trouves des partenaires qui vont t'amener en Europe. Itakuwa vigumu upate watu ambao watakupeleka Ulaya. C'est puisque nous les hommes nous sommes limités. Nous voyons seulement l'extérieur. Nous voyons l'apparence extérieure. Mais nous ne savons pas ce qui est là-dedans. Alléluia. Amen. Bien aimé, même quand nous pouvons envier l'Europe, ces gens-là ont leurs problèmes, peut-être qu'ils sont même plus difficiles que nos problèmes. Nous pouvons les voir en train de rouler bien, de dormir dans de bonnes maisons. Mais dans leur cœur, il faut regarder ce qui est dans leur cœur. Puisqu'ils ont rejeté Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont rejeté Dieu. Il y a des écoles où on dit, nous sommes en train de les suivre chaque jour à la télé, à l'internet. Des écoles où on a dit, ici, vous n'avez pas le droit d'évangéliser. Ne parlez pas Dieu ici. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir un élève qui peut venir dans la salle de classe et fusiller tout le monde. Bien aimé, les gens qui nous voient suivre Dieu, ils pensent que nous sommes des déconnectés. Ils pensent que nous ne sommes pas intelligents. Et surtout nous qui servons le Seigneur. Ils pensent que nous avons manqué du travail. Et que ça tout le monde a chômage et tout ça. Et lorsque nous voyons que le chômage est dans notre milieu, nous prenons la Bible. Loin de là. Ces pasteurs là que vous voyez. Ils sont des licenciés. Et il y a d'autres qui ont refusé le travail, qui ont démissionné de leur poste pour venir servir. Lorsque nous avons Dieu, la présence de Dieu résout beaucoup de problèmes. Et la présence de Dieu nous évite même d'autres problèmes qui pouvaient exister, qu'on ne connaît même pas. Puisque le diable ne peut pas opérer là où il y a Dieu. Et c'est le diable qui continue à créer, à imaginer quelle autre nouvelle chose il va encore amener dans la société pour continuer à détruire l'homme. Mais lorsque vous enlevez Dieu de vos histoires, vous laissez au diable le libre terrain pour agir. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Avant que nous puissions lire ces passages-là, et lorsque les gens laissent le diable venir régner, le diable va venir avec ses lois. Il va établir ses lois. Puisque là où Dieu règne, c'est la loi de Dieu qui règne. Et quand vous chassez Dieu, lorsque le diable vient régner, est-ce qu'il va régner avec la loi de Dieu? Il ne peut pas régner avec la loi de Dieu. Il va amener sa nouvelle loi. Alléluia. Amen. Et quand il amène sa nouvelle loi, donc c'est lui qui va commencer à commander toutes choses. Et les gens vont devenir des esclaves du diable. Et vous savez la présence du diable. Tellement que quand les gens sont je ne sais pas si je peux dire colonisés par le diable ou remplis de démons, il y a la dépravation qui s'installe. Et il commence à voir les gens, les choses au contraire. Puisque la Bible nous dit, si nous lisons notre passage, il ne faut pas manquer de lire ça. Au verset 17, le passage que je vous ai donné, au verset 17, la Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Le diable vient obscurcir leur intelligence. Et il voit les choses contrairement de Dieu. Et là, ils deviennent esclaves du diable. Et lorsque le diable vient régner comme ça, quand les gens ne veulent plus de la présence de Dieu et qu'ils laissent le diable régner sur eux, il y a des choses qui se produisent. Kuna mambo ambayo yanatokea. Et la première chose, c'est la promotion du règne du diable. Na jambo la kwanza ni hiyo utawala wa shetani. Quand le diable vient régner, wakati shetani anakuja kutawala, ce n'est pas pour faire du bien. Haiko kukutendea mazuri. Le diable n'a jamais fait du bien shetani à l'homme. Hajatendea mwanadamu mazuri. Nous savons que depuis le commencement, le diable n'a jamais aimé l'homme. Tunajua tangu misingi ya ulimwengu, shetani hajampenda mwanadamu. Il était jaloux de voir que Dieu s'est investi dans l'homme et l'a placé dans le jardin d'Eden. Il a mis tout ce qu'il fallait pour l'homme. Amesikia wivu wakati Mungu amemutia mwanadamu katika shamba la Edeni na amemwekea mambo yote. Et il savait que Dieu comptait beaucoup sur l'homme. Na alijua ya kwamba Mungu amemutumainia sana mwanadamu. Il est venu pour injecter son virus. Akakuja kutia virusi yake ndani ya mwanadamu. Pour détruire la communion entre Dieu et l'homme. Ili aharibu haya masiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Son travail c'est pour détruire l'homme. Kazi ya shetani ni kuharibu mwanadamu. La Bible nous dit dans Jean 10:10 la partie A. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Shetani anakuja kuua na kuiba na kuharibu. Détruire, kuharibu, égorger, kuua, dérober na kuiba. Le diable va dérober quoi? Shetani ataiba nini? Le diable vient dérober ce que Dieu avait déjà Shetani mis dans l'homme. Anakuja kuiba yale ambayo Mungu ametia ndani ya mwanadamu. Ce que Dieu avait déjà investi dans l'homme. Yale ambayo Mungu ametia ndani ya mwanadamu. Puisse réussir dans tous les domaines de sa vie. Kwa kuwa ili mwanadamu aweze kushinda le diable vient dérober cela. Shetani anakuja kuiba haya. Afin que l'homme ne puisse pas réussir ili la mission. Kazi yake. Puisque lorsque Dieu nous donne la mission, kazi, il nous équipe. Il nous donne tout le nécessaire. Même si tu ne connais pas encore ton nom divin, hata kama ujajua jina lako sache la que Dieu t'a déjà équipé pour ce nom-là. Ce qui reste, c'est seulement que tu découvres ce nom-là et que tu commences à travailler dans ce nom pour accomplir la mission qui est attachée à ce nom-là. Et c'est ça que le diable vient voler. Na haya ndio shetani anakuja kuiba. Il vient détruire. Anakuja kuharibu. Il vient égorger. Anakuja kuua. Alléluia. Amen. Il vient tuer ce qui est en toi. Anakuja kuua yale ambayo inakuwa ndani yako. Nous ne devons pas accepter que le diable prenne place dans nos familles. Tuitike shetani akamate nafasi ndani ya jamaa yetu. Nous sommes appelés à être des solutions. Tunaitwa kuwa jibu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans les organisations aujourd'hui, dans des nations, des tueries. Na ni yale ambayo tunaona katika miungano kwa siku ya leo mauaji. Kwa kuwa wamesema, Seigneur, nous ne voulons pas que tu t'ingères dans nos affaires. Hatutaki uingie ndani ya maneno yetu. Et il y a la dépravation des mœurs. Kuna uharibifu wa matendo mazuri. C'est là que nous pouvons voir même les gens se permettre n'importe quoi. Ni hapa ambapo tunaweza kuona watu wanafanya mambo yasiyo halali. Puisque le diable a déjà volé le sens moral qui était dans la personne. Kwa kuwa shetani ameiba hiyo akili njema ambayo ilikuwa ndani ya mtu. Il a enlevé cette conscience là. Ametosha hiyo dhamiri. Cette bonne conscience qui est dans la personne. Hiyo nzuri ndani ya mtu. Et vous pouvez voir une personne. Na unaweza kuona mtu. Vous pouvez penser qu'il est normal quand vous la voyez. Unaweza kufikiria yeye anakuwa mzima unapomuona. Mais quelqu'un vient dans la foule comme ça. Lakini mtu anakuja ndani ya umati wa watu kama hivi. Et il se fait exploser. Na anakuja kubomoa bombe. Si les gens. Juu ya watu. Est-ce que celui-là, vous allez encore dire qu'il a encore le sens? Le diable a déjà volé ce que Dieu avait mis à lui. Il a volé la nature de Dieu et il a mis sa nature. Il a mis la nature diabolique dans l'homme. Il a volé. Il a détruit ce que Dieu avait mis dans l'homme. Au commencement, alléluia. Amen. Lorsque les gens wakati watu refusent Dieu, wanakataa Mungu, ils refusent la vie. Wanakataa uzima. Puisque c'est Dieu qui donne la vie. Kwa kuwa ni Mungu ndiye anapea uzima. La vie est en Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas Mungu. De vie bien-aimée. Bali na Mungu hakuna uzima. Il n'y a pas de vie. Hakuna uzima. Quelqu'un peut penser en train de vivre, mais il n'y a pas de vie à lui. Quelqu'un qui n'a pas Dieu. Mungu la Bible nous dit ceci. Toujours dans les versets que nous avons lus. Katika kusomi ambao tumeusoma, Biblia nasema. Jésus-Christ qui dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Yesu anasema, nimekuja ili kondoo zipate uzima na ziupate kwa milele. Si tu ne veux pas Jésus, tu as quelle vie? Kama hautaki Yesu, una maisha gani? La vie est-il, on peut parler seulement de la vie quand on est dans le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, c'est comme s'il est dans la bergerie du diable. Et le diable peut te gorger à tout moment. Alléluia. Amen. Même s'il ne te tue pas physiquement, mais il te tue spirituellement. Et tu te trouves en train de faire les choses bizarres. La pitié, tu n'as plus pitié. Hauna tena huruma. Tu n'as plus le sens de voir un être humain comme ton semblable. Hauna tena hiyo kumuona mtu mwingine kama wewe mwenyewe. Tu peux lui faire du mal sans avoir de remords. Hawezi, unaweza kumutendea mabaya bila kuwa na uchungu. Lorsque nous refusons de Dieu, lorsque nous refusons Mungu, Dieu, nous refusons la vie. Tunakataa maisha. La Bible nous dit dans Jean 1 chapitre 4, elle était la vie et la lumière des hommes. Biblia inatuambia katika kitabu kia Yohane sura moja mstari wa 4, alikuwa uzima na nuru ya wanadamu. Lorsque les gens refusent Dieu, ils refusent la lumière, commence à marcher dans les ténèbres. Wakati watu wanakataa Mungu, wanakataa puisque c'est Jésus-Christ qui est la lumière des hommes. Kwa kuwa Yesu Kristo ndiye nuru ya wanadamu. C'est lui qui nous montre la voie. Yeye ndiye anatuonesha njia ya kufuatia. Les gens qui refusent Dieu sont en train de marcher dans les ténèbres. Watu ambao wanamkataa Mungu wanatembea katika giza. Bien-aimé, mpendwa, si vous marchez dans la vie sociale, si vous marchez dans les ténèbres, kama unatembea katika giza, ces ténèbres là va se répercuter. Hiyo giza itaonekana. Si notre vie sociale, quand on est dans les ténèbres, quand on est dans les ténèbres, est-ce qu'on peut voir celui qui est à côté de nous? On ne peut pas le voir. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'être dans les ténèbres? Quand vous êtes dans les ténèbres, vous marchez selon votre imagination. Vous pouvez voir ces poteaux-là et penser que c'est une personne qui est là-bas. Vous pouvez voir une personne et penser que c'est une chaise. Unaweza kumuona mtu na unafikiria kama ni kiti. C'est la raison pour laquelle quand il y a absence de Dieu, il n'y a pas de vie. Ndio maana wakati hakuna Mungu hakuna uzima. Chacun se permet ce qu'il veut. Kila mtu anatenda anayoyataka. Et lorsque nous parlons de la vie sociale, nous devons comprendre que la vie sociale, c'est pas la vie matérielle, c'est wakati différent. Zungumzia juu ya maisha ya jamii, haiko maisha ya vitu. Au début, j'avais parlé que la vie sociale, c'est notre vie de chaque jour. La vie à communauté. Mara ya kwanza nimesema, maisha ya jamii ni maisha ya kundi moja. Quelqu'un peut être riche. Mtu anaweza kuwa tajiri. Il peut avoir toutes les richesses du monde. Anaweza kuwa na mambo yote ya ulimwengu. Mais au niveau social, s'il échoue. Lakini kwa jamii kama anashindwa. Il ne pourra jamais jouir de ses richesses. Hata furahia utajiri wake. Ne pourra jamais jouir de ça. Hata furahia utajiri wake. Vous pouvez voir quelqu'un, il a tout. Unaweza kumuona mtu ana yote. Mais il s'est suicidé. Lakini amejiua. Puisque il n'y a pas d'attente peut-être entre lui et sa famille. Inawezekana haelewane yeye na jamaa yake. Et c'est la raison pour laquelle le matériel ne peut pas prendre la place de la société, de la relation avec les humains. C'est la raison pour laquelle, hein, vous qui pensez que vous vous suffisez à vous-même, vous n'avez plus besoin d'autres personnes. Puisque vous avez tout, vous êtes en train de vous tromper. Puisque votre argent là, je me rappelle, il y a un message qu'on avait envoyé dans les WhatsApp. Même si tu as l'argent, ton argent ne va pas aller t'enterrer. Si tu meurs et que tu as une chambre pleine d'argent, et que les gens ne sont pas là, ton argent ne va pas aller t'enterrer. Même si on te dépose dans ton véhicule, hata kama wanakutia ndani ya gari yako, et on dit bon, ton véhicule va l'amener. Na wanasema gari yako si y a pas de chauffeur, kama hakuna wakutembeza, tu vas pourrir là-bas. Utaozea huko. Dans ta voiture. Ndani ya gari lako. Bien-aimés, nous avons besoin de bien vivre avec les gens en société. Mupendo, tuna haja ya kuishi na watu katika jamii vizuri. Ne te dis pas, moi je n'ai pas besoin des gens. Usishiambie mimi sina haja ya watu. Watu wanaletiana mambuteage. Les gens amènent des embouteillages dans la vie des autres. Il y a des gens qui commencent à imiter les blancs. Na kuna watu ambao wanaanza kuwaiga wazungu. Oh, huku ni mukizungu. Ici c'est dans la ville. C'est juste papa, maman et les enfants. Ni baba na mama na watoto basi. Depuis quand? Siku gani? Depuis quand? Tangia lini? Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Tuko watoto wa Mungu. Nous ne devons pas imiter les habitudes des gens qui ont déjà rejeté Dieu. Hatuwezi kukamata maisha ya hawa watu ambao wamekataa Mungu. La Bible nous dit, nous parle de Abraham. Biblia inatuzungumzia juu ya Abraham. Abraham quand Dieu l'appelle. Abraham wakati Mungu alipomuita. Il l'a appelé seul. Alimuita mwenyewe. Il a dit Abraham. Alita Abraham. Vata de topei. Toka katika nchi yako. De ta patrie. Nchi yako. Je t'envoie. Ninakutuma. Dans un pays que moi-même je vais te montrer. Kwa nchi ambayo mimi mwenyewe nitakuonesha. Abraham a obéi à Dieu. Ibrahimu akaitikia Mungu. Sans connaître là où il était en train d'aller. Bila kujua mahali anapokwenda. Mais même s'il ne savait pas là où il était en train d'aller. Hata kama alikuwa hajui kwenye anaenda. Hakuenda mwenyewe. Il n'avait pas d'enfant. Hakuwa na mtoto. Il était avec lui et sa femme. Yeye na mke wake. Mais la Bible nous dit qu'il a pris son neveu. Lakini Biblia inatuambia akamtoa mtoto wa ndugu yake. Il a pris Lot. Akatoa Lot. Lot n'était pas célibataire. Lot hakukua hajaoa. Lot avait aussi une femme. Lot alikuwa na mwanamke. La Bible nous dit qu'il avait aussi des troupeaux. Biblia inatuambia alikuwa na manyama. Des serviteurs. Alikuwa na watumwa. Et il les a pris. Na akawachukua. Venez on part. Akawaambia kuja tuende. Que nous sommes en train d'aller quelque part où il va nous Mungu montrer. Mungu ameniambia tunaenda mahali ambapo atanionyesha. Bien aimé, quand tu vis avec les gens de ta famille. Upendo wakati unapoishi na watu wa jamaa. C'est pas spécial. Et ce n'est pas toi qui commences cette vie là. Na haiko wewe ndiye unaanza maisha haya. Hata katika Biblia. Ça existe. Yalikuwa. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas imiter les choses qui haitubidi kuiga mambo. Moi et mes enfants. Mimi na watoto wangu basi. Les enfants de ton grand frère deviennent des chèques dans la rue. Wanakuwa watoto wa barabarani. Pourtant, il y a tout. Na ijapokuwa una yote. Et puis vous savez les gens là qui habitent avec nous. Na unajua hao watu ambao wanaishi pamoja nasi. Ils ne mangent même pas beaucoup. Hawakulaki hata mingi. Puisque je sais que les grands problèmes. Ninajua shida kubwa. C'est la nourriture. Ni chakula. Contredisez-moi. Munikatalie. Oh, on a les dépenses. Il amène les dépenses ici. Il n'a pas charge. Ça devient une charge. Dites-moi. Niambie. Si vous avez l'habitude de préparer les, d'aller au marché avec 5 dollars, comme on a quoi na kawaida ya kwenda sokoni na dola 5. S'il s'ajoute un visiteur. Ukiongezekana mgeni mmoja. Ça va devenir 7 dollars. Itakuwa 7 dollars. Hein, les mamans. Wa mama. Puisque c'est nous qui commençons souvent les problèmes. Kwa kuwa ni sisi ambao tunaanza shida. Oh, unatafuta leta ndugu wako hapo unaona sasa. Tu vas mener ton frère ici, tu vois. Hatutakuwa tena na shiba. Hamuta shiba na mkuu atupa vipolo. Tu ne seras pas la sagesse pour ta jeter dans la poubelle la nourriture qui reste. Vous savez, unajua, lorsqu'il y a une personne de plus qui s'ajoute dans notre famille. Wakati kunakuwa mtu mwingine ambaye ameongezekana katika jamii yetu. Tu envoies la provision pour cette personne. Bwana anatuma juu ya mtu huyu baraka. Tu envoies la provision. Bwana anatuma baraka. Même s'il va commencer à dormir dans les couloirs. Hata kama ataanza kulala ndani ya njia ya nyumba. Peut-être lui-même quand il verra qu'il dort dans de mauvaises conditions, lui-même va décider que bon, je pars. Yeye mwenyewe atakapona na lala vibaya ataamua kurudia. Mais ne fermez pas nos portes aux gens. Usifunge mlango wako kwa watu. Vous ne savez pas, vous allez fermer la porte à celui qui va venir avec votre bénédiction. Unaweza kufunga mlango kwa yule ambaye atakuwa baraka yako. Alléluia. Amen. La vie sociale. Maisha ya jamii. Il y a d'autres personnes qui sont bonnes seulement pour les personnes de dehors, du dehors. Kuna watu wengine ambao wanakuwa wazuri kwa watu wa nje. Tout le monde en dehors de la famille peut dire eh fulani. Watu wote mbali ya jamaa yako wanaweza kusema mama Sarah. Anakuwa mtu mzuri. Une bonne femme. Vous savez, unajua. Les gens qui doivent nous témoigner. Watu ambao wanaweza wakatutolea ushuhuda. D'abord les gens de nos maisons. Ni wale watu wa nyumba yetu. Les pasteurs Stone, c'est moi qui sais si les pasteurs ou pas. Mchungaji Estone ni mimi ambaye najua kama ni pasteur ama hapana. Puisque vous pouvez chanter oh pasteur. Kwa kuweza kuimba mchungaji mchungaji. Si moi je le contredis. Mimi nikimkatalia. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle nous ne devons pas avoir des doubles vies. Haifai tunakuwa na maisha ambayo nakuwa na sura mbili. Yale ambayo naishi nyumbani. Vile aussi andeo. Ishi nayo kwa inje. Pour que s'il y a des problèmes, les gens du dehors, quand ils vont voir ça, watu wa inje ils vont vous aider et vous dire, un homme de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Vous allez vous corriger. Mais quand vous vivez l'hypocrisie, et que chez vous, c'est vous le maréchal, et personne ne peut parler au maréchal, vous allez rester avec vos défauts. Alléluia. Amen. Soyons nous-mêmes. À l'église, c'est toi. À l'école, c'est toi. Somoni, au travail, c'est toi. Kazini, il y a déjà ici, dans la même église, un moja, chef qui travaille avec ses subalternes. Chef ambana na watu wake ils sont des frères de l'église. Wao, mais ils ne se salient pas. Même à l'église, vous n'allez pas vous chef de subalterne. Unapenda uoneshe kama hawa ni watu wa chini yako. Mukanisa munaleta bushefu na busibalte. Même à l'église vous amenez votre. Ici on est frères et sœurs. Ici on est frères et sœurs. Même si on est frères et sœurs. Hata kama il y a quand même la loi de la nature que. Una sheria ya kawaida. Nous devons nous respecter. Ambo nasema tuheshimiane. C'est lui qui peut être ton papa. Il est ton papa. Yule ambaye anaweza kuwa baba yako ni baba yako. Même si il est ton frère. Hata kama ni ndugu yako. Mais quand même. Lakini. Si vous êtes chef. Donnez ne fût-ce que l'occasion à votre subalterne à l'église de vous saluer. Même si là au travail il y a une loi qui dit que, même si là au travail il y a une loi qui dit que chez subalterne il ne peut pas chercher mukono. Ambaye nasema muachini haizi kumpatia wa juu mkono. A profiter là tapa mukanisa. Qu'il a profite même ici à l'église. Alléluia. Bien aimé, nous ne devons pas vivre des vies doubles. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être les modèles pour les gens du monde. Le frère Patrice a chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans l'église. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons le monde de l'église Arche. Nous refusons que le monde vienne ici. Nakata, dunia, ikuje hapa. C'est l'église qui va aller dans le monde. Ndio ambayo itaenda huko katika. Alléluia. Amen. Vivons la vie chrétienne. Tuishi maisha ya Kikristo kama vile navyostahili. J'étais en train de parler des gens qui ont refusé Dieu dans leur société. Nimekuwa nikizungumzia watu ambao wamekataa Mungu katika jamii yao. Dans leur famille. Katika jamaa yao. Lorsque nous refusons Dieu. Wakati tunakataa Mungu. La deuxième conséquence qui se pose, shida ya pili ambayo inatokea, est que les gens votent leur loi sans Dieu, sans tenir compte de Dieu. Watu wanachagua sheria zao bila kuona nafasi ya Mungu. Or, nous avons lu dans Jérémie chapitre 17, le verset 9 à 10. Na tumesoma katika kitabu kia Yeremia, sura 17, mustari wa 9 hadi wa 10. Que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, il est méchant. Roho ya mwanadamu ni ngumu. Na inakuwa yenye kiburi. Imaginez-vous dans une assemblée. C'est là on appelle ça assemblée. Hein? Dans une assemblée. Fikiria katika mkutano. Ça assemble on appelle ça assemblée nationale là où on vote les lois. Katika bunge tous les gens qui sont là-bas. Watu wote ambao wanakuwa huko. Ils ressemblent à ces versets. Wanafanana mshairi huu. Cœur tortué, roho ya kiburi, et méchant. Na ya, un cœur qui n'est pas régénéré. Roho ambayo haijafunuliwa. Nous voulons voter les lois. Tunataka kuchagua kanuni. Bien aimé, est-ce qu'il y a des limites? Je kutakuwa mipaka. Chacun va amener tout ce qu'il voulait. Kila mtu ataleta yale ambayo anayataka. Si quelqu'un avec sa méchanceté là et son cœur tortué, yake mbaya na roho yenye kitasho, il a senti qu'il doit vivre avec un animal comme atafikiria kuishi na nyama kama vile mke wake. Il va amener ça. Atayaleta huko. S'il y a quelqu'un qui pense que lui, l'homosexualité, c'est ça qu'il veut, il va aussi brandir ça. Kama kuna yule ambaye anafikiria kuoana mke kwa mke ni yale ambaye anastahili. Et c'est de là que proviennent les lois là que nous sommes en train de vouloir imiter et amener dans nos pays. Na ni huko ndio kunatokelea hizo sheria ambazo tuko napenda kuiga na kuleta ndani ya kanisa. Les lois qui sont sorties des cœurs tortués, des cœurs méchants. Sheria ambazo zimetoka katika roho ambayo inakuwa mbaya. Roho ambayo inakuwa mbaya. Je me rappelle la fois passée, j'ai vu une vidéo dans mon téléphone, je ne sais pas qui m'a envoyé ça. Quelqu'un qui est en train de se vanter. Si vous dites au pétanque, on a katika simu yangu, mutu moja ambaye anakuwa kijitapa. Il dit que tout ce qui se passe là-bas en Afrique, c'est nous. Anasema yote ambayo napitikana huko Afrika ni sisi. Les guerres, c'est nous qui décidons. Ni vita ni sisi ambayo tunasema. Je me suis dit ça, c'est le cœur de l'homme. Hii ni roho ya mwanadamu. un cœur sans pitié. Roho ya bila huruma. Et c'est ce qui arrive. Lorsque vous voulez que ce soit le diable qui va régner, wakati unapenda shetani ndiye atawale. Ce sont déjà qui vont, ce sont des choses qui vont se produire. Ni mambo ambayo yatatokea. Aujourd'hui, les antivaleurs sont promis. Leo mambo yasiyokuwa halali yanapandishwa yulu kwa yale ambayo yanakuwa fadhila. C'est ce que les gens commencent à prôner. Ni yale ambayo watu wanaanza kusema mbele, yapite mbele. Mambo ambayo yasiyo stahili ndani ya jamii. Et les gens font ça et ils défendent ça. Wanatenda hivi na wanayashuhudia. Et ils pensent que na wanafikiria. C'est ça l'évolution. Ni haya ndio maendeleo. Les gens cherchent la liberté. Watu wanatamani kuwa huru. Selon les penchants de leur cœur. Kama vile moyo wao unatamani. Alléluia. Amen. Et c'est de là que proviennent tous les termes là que vous savez. Na ni hapo ndio unatokea maneno yote ambayo tunayajua. Bien aimé, Dieu n'a jamais privé. Vous savez, le diable, je ne sais même pas comment je peux l'appeler. Si Dieu kama ni muita shetani namna gani. Après avoir obscurci l'intelligence des hommes. Wakati ametia giza juu ya akili ya wanadamu. Il vient leur proposer les choses qu'ils avaient déjà. Anakuja kuwaonesha mambo ambayo walikuwa nayo. Pour leur faire voir que ces choses-là n'existent pas. Puisqu'ils ont déjà l'intelligence obscurcie. Est-ce que Dieu nous a privé la liberté? Je, Mungu ametukatalia uhuru. Dieu nous a privé la liberté. Mungu ametukatalia kuwa huru. Dieu ne nous a pas créé esclaves. Il nous a donné la liberté. Il a placé Adam et Ève dans les jardins pour qu'ils puissent se mouvoir librement. Mungu hakutuumba watumwa, amewatia Adamu na Eva katika shamba la Edeni ili waweze kutembea katika uhuru. La liberté est là. Uhuru iko hapo. Mais aujourd'hui, lakini leo, on nous parle de la loi de la liberté. Wanatuzungumzia juu ya sheria ya uhuru. Comme si nous étions des esclaves. Kama vile tulikuwa watumwa. Et nous nous prenons ça. Na sisi tunachukua haya. Nous disons bienvenue. Tunasema karibu. On avait beaucoup souffert. Vous avez souffert siku mingi. Uliteseka kwa nini? Nous étions libres depuis longtemps. Et surtout nous les chrétiens. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas concernés par cette liberté qui est proclamée par le diable. La Bible nous dit ceci. Je vais lire d'abord pour les gens qui ont refusé de tempérer à Dieu et qui ont accepté de livrer leur vie. La Bible nous dit ceci pour nous les chrétiens. Biblia nasema hivi kwa ajili yetu sisi wa Kristo. Luc chapitre 4 le verset 8. Luka sura 4 mstari wa 8 pour nous montrer que nous sommes libres. Jésus-Christ est en train de dire: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Bwana yuko juu yangu kwa kuwa amenipaka pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, kwa maskini, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, waliokuwa na moyo umevunjika, pour proclamer aux captifs la délivrance, kwa wale waliofungwa ufunguliwa, et aux aveugles le recouvrement de la vie, kufunguliwa macho, pour envoyer libre na les opprimés, kuacha huru waliofungwa. Alléluia. Amen. C'était la mission de Christ. Quand il est venu, il est venu nous donner la liberté. Uhuru. Il est venu rendre libres les opprimés. Uhuru. Il est venu libérer les captifs. Alikuja kufungua waliofungwa. Les libérer pour devenir quoi? Pour devenir libre. Kuwafungua ili wakue huru. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on prend la loi de la liberté, na wakati wanapotangaza nous les chrétiens, nous sommes les premiers à sauter dessus. Wa Kristo tunarukia hiyo wa kwanza. Bien aimé, Jésus-Christ est venu nous donner la liberté. Yesu Kristo amekuja kutupatia uhuru. Puisque nous ne sommes plus sous le joug du diable. Chini ya shetani. Ce sont les gens qui sont sous le joug du diable qui peuvent sauter sur ça. Et puis ce n'est même pas une liberté. Puisque même si tu peux penser que tu es libéré du niveau du monde, si tu n'es pas encore libéré par Dieu, tu es toujours esclave. Tu es esclave du diable. Tu es esclave du péché. La Bible nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Biblia nasema haujua kama wewe ni mutumwa, kama wa chini ya zambi, wala chini ya uhuru. Les versions de Valère appellent ce que Dieu appelle la liberté et ils appellent ça esclavage. Et ce qui est esclavage, ils appellent ça liberté. Fazila ambayo Mungu anasema ni utumwa, huko shetani anaita uhuru, na uhuru anaita utumwa. Alléluia. Amen. Donc, lorsque quelqu'un est sous le règne du diable, il voit les choses au contraire. Wakati mtu anakuwa chini ya utawala wa shetani, anaona mambo yote utofauti. Et cette soi-disant liberté, entre guillemets, na hiyo anayoita uhuru, c'est ce qui engendre aujourd'hui tous ces termes-là, les gendas, les parités. Ni yale ambayo analeta usawasawa ndani ya mke na mume. Vous connaissez tous ces termes-là. Na yale yote ambayo munayaelewa. Est-ce que nous n'étions pas libres? Je hatukuwa huru. Je parle à nous les femmes. Sisi wanawake. Nous avons sauté sur cette histoire-là de dire parité. Ajoutez d'autres termes. Usawa sawa, ongezea ingine. Émancipation. Kukua sawa sawa. Quoi? Droit de la femme. Sheria ya mwanamke. Lorsque Dieu nous a créés. Wakati Mungu alipotuumba. On avait des droits ou bien on n'avait pas des droits. Tulikuwa na haki ama tulikuwa na haki. Alléluia, les mamans répondent. Alléluia, wa mama tujibie. On avait les droits ou bien on n'avait pas les droits. Est-ce que pour manger du fruit du jardin d'Eden, on devait aller demander la permission à Adam? Je kukula tunda ya ndani ya shamba la Eden, tungenda kulomba ruhusa kwa Adamu. Est-ce qu'on devait aller d'abord rentrer encore chez Dieu pour dire, Dieu, je peux cueillir la manque qui est ici? Je tungenda kumwambia Mungu ningechuma tunda ambayo nakuwa hapa. On avait la liberté. Tulikuwa na uhuru. On pouvait manger de tout. Eve elle-même a dit. Eva Dieu nous a dit de manger de tous les fruits. Matunda yote, lakini. Mushakona maisha yenye haikuwa kia mokitu kiba nakataza mutu. Vous avez vu la vie là où il n'y a pas de règles. Alléluia. Amen. On était libre. Tulikuwa huru. Depuis le commencement. Tangu mwanzo. Puisque lorsque Satan a trouvé Eve. Eve était en train de se balader et Dieu ne l'avait jamais blâmé pour dire pourquoi tu es arrivé ici. Elle était toujours dans l'intérêt que Dieu lui avait donné. Elle pouvait aller manger et laisser Eve à Adam au nord. Elle pouvait aller manger le fruit même aussi. Ce n'était pas un problème. Mais le diable est venu le miroiter pour lui montrer qu'elle n'est pas libre. Lakini shetani alikuja kumuonesha kwamba yeye haiko huru. Et c'est ce que le diable continue à faire aujourd'hui. Na ni yale ambayo shetani anaendelea kutenda mpaka leo. Pour détruire notre société. Ili aharibu jamii yetu. Oh, liberté. Uhuru. Bien-aimé. Mpendwa. Que tu le veuilles ou pas. Upende usipopenda. Que tu cherches la parité ou la parité. Utafute kwa usawa. La parité était là depuis le commencement. Usawa sawa ilikuwa hapa tangu mwanzo. Lorsque nous lisons, j'aimerais que nous puissions lire ce passage. Natamani tusome usomi huu. Genèse. Mwanzo. Genèse chapitre. Genèse chapitre, je pense que c'est chapitre premier. Mwanzo sura moja. Genèse chapitre premier verset 28. Mwanzo sura moja. Commençons au verset 27. Tuanzie kwa mstari wa 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Alléluia. Mungu akawabariki là-bas. Tuishie kwanza hapa. Dieu créa l'homme et la femme. Mungu akaumba mume na muke. Il a créé tous les deux. Aliwaumba wote wawili. Et puis Dieu les bénit. Mungu ici nous sommes une église francophone. Quand on met elle, kanisa la wa quand on met es sur le, wakati wanatia c'est le prier. C'est la prière. Wakati wanatia Dieu kwa wingi. Les bénit. Mungu akawabariki. Il les a bénis tous les deux. Akawabariki wote wawili. Le fait de bénir Adam et Eve. Kuwabariki Adamu na Eva. C'était un mandat. Ilikuwa ni kazi. C'était un mandat. Ilikuwa l'autorisation. Ilikuwa kuwaruhusu. Mamlaka. Ilikuwa mamlaka. C'était un mandat que Dieu donne à Adam et à Eve. Ilikuwa mamlaka ambayo Mungu amepatia Adamu na Eva. La Bible dit Dieu les bénit, il y a deux points. Mungu, Biblia inasema Mungu akawabariki na katia alama mbili. Je mangle le passage, aidez-moi. 28. 28. Dieu les bénit et leur dit deux points. Mungu akawabariki na katia nukta mbili. Soyez fécond. Muzidi. Multipliez. Kuongezeka. Remplissez la terre. Mujaze inchi. Et la sujetissez. Na kuitisha. Et dominez les poissons na de la mer. Wale juu ya samaki si les bahari, oiseaux du ciel. Na ndege za et sur tous les animaux. Na kila tout animal qui se meut sur la terre. Kinachotambaa juu ya inchi. Dites-moi. Mniambie. Les femmes. Wambama. On était concerné par ça ou je pas? Je tulihusishwa na haya a, wala. Si parité njo hii tunatafutaka. Kuko parité kushinda hii. Je y a l'autre parité que ça que nous recherchons. Dieu nous donne le mandat de la même façon qu'il a donné à l'homme au même moment. Mungu anatupatia mamlaka yale yale aliyompatia mwanaume hapo hapo. Il dit soyez fécond. Anasema muzae. Femme sois fécond. Mwanamke zae. Mwanaume zae. Il n'a pas dit homme sois fécond plus que la femme. Hakusema mwanaume uzae zaidi ya mwanamke. Ou homme domine plus que la femme. Wala mwanaume utawale kushinda mwanamke. Il a dit soyez. Akasema mkuwe. Chez wote sawa sawa. Tous ensemble. Kila mtu ça dépendra de sa force ya kuproduire. Itatokana si ça sera la femme qui va beaucoup produire, gloire à Dieu. Kama ni mwanamke si ça sera l'homme qui va beaucoup produire, gloire kama à Dieu. Kama ni mwanamke atatoa mingi utukufu kwa Bwana. Et puis on vient nous balancer en parité. Na kisha wanakuja kututilia kusema tukue sawa sawa. La parité était là depuis longtemps. Usawasawa ilikuwa hapa tangu mbele. Et c'est ça le diable. Na ni hiyo ndio shetani. C'est ça qu'il continue à jouer jusqu'à présent. Na ni hapo ndipo shetani anaendelea kuchezea mpaka leo. Pour continuer à nous détruire. Ili aendelee kutuharibu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant de sauter sur quelque chose, réfléchis d'abord. Wapenda mbele ya kushika kitu fulani, prends la Bible, regarde si la chose là n'était pas dans la Bible. Chunguza vizuri kama neno hili halikuwa ndani ya Biblia. Il y a rien de nouveau dans ce monde. Hakuna kitu kiamupya ndani ya dunia hii. Tout ce que nous vivons aujourd'hui a existé. Yale yote ambayo tunayaishi leo yamekuwa hapo mbeleni. L'homosexualité ça existait. Matendo ya ngono ndani ya watu wa Sodome na Gomora. Yalikuwa tokea mbele. Les gens qui ont amené ça ils ont pensé que c'est du nouveau, c'est démodé. Watu ambao walileta haya walizania ni ya sasa. C'est déjà démodé ces choses là. Yamepita na wakati. Comment vous pouvez rentrer dans les choses qui sont démodées? Wanani unaweza kurudia mambo ambayo yamepita? Si vous pensez que vous êtes à la page. Kama unafikiria wewe unakuwa ndani ya hali iliyo mpya. Quelqu'un qui est à la page ne rentre pas dans les choses qui sont déjà passées. Mtu ambaye anakuwa kwa mambo ya mpya hakurudia mambo ambayo yamepita, anaendelea mbele. Tu rentres dans les choses qui sont déjà passées. Wakati unarudia mambo ambayo yamepita. Tu es en train de ramener ta vie en arrière. Unarudisha maisha yako nyuma. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons avancer avec Dieu. Wapendwa natubidi tuendelee pamoja na Bwana. C'est Dieu qui est capable d'amener des innovations puisque c'est lui qui a créé. Le diable n'a jamais créé. Et il ne peut pas amener de nouvelles choses. Puisque dans sa tête, il n'a pas la capacité de créer. Même pas une fourmi, il n'a jamais créé. Et puis on va nous dire qu'il a inspiré de nouvelles choses. Quelles nouvelles choses? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a créé et c'est lui qui peut encore créer. Ni Mungu ndiye ameumba na ni yeye ndiye anaweza tena kuumba. Le diable essaie de miroiter les hommes pour Shetani essayer de les perdre. Kufunika macho ya watu ili aweze kuwapoteza. Et les gens na watu qui refusent que Dieu règne dans leur vie. Wambao wanakataa Mungu atawale ndani ya maisha yao. Communauté. Na katika jamii yao. C'est comme ça qu'il continue à se jouer. Ni hivyo ndivyo Shetani anaendelea kucheza nao. Alléluia. Amen. Les instabilités dans les ménages à cause de ces termes-là. Kutokuwa na umoja ndani ya majamii. Que le diable a créé. Kwa ajili ya maneno haya kidogo kidogo ambayo shetani ameumba. Oh, aujourd'hui c'est le mois de la femme. Leo ni mwezi wa wanawake. Shiva na muke njoo. Nous les femmes. Les mamans vont se fâcher contre moi. Vous allez dire. Mama watanisikia. Vraiment ce qu'on connaît. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Oh, aujourd'hui c'est le mois de la femme. Leo ni mwezi wa wamama. Tous les jours, c'est le jour de la femme. Siku zote ni siku za mwanamke. Vous savez que tous les jours, c'est le jour de la femme. Je unajua siku zote ni siku za mwanamke. Quand on dit que aujourd'hui c'est le jour de la femme. Wakati wanasema leo ni siku ya mwanamke. C'est-à-dire que tous les jours on les donne à l'homme. Manake siku zingine wanazipatia wanaume. Hein? Hein? N'est-ce pas? Ndio. Donc nous dans l'année nous avons seulement sisi katika mwaka tunakuwa na siku na mwezi moja. Qui a fait que les hommes soient là? Nani alifaa wanaume wawe hapo? Haiko shiba na mke. Même les jours de la, même les mois de la femme, les mois de la femme là, c'est nous les femmes qui partons encore à l'hôpital pour aller accoucher. Et les mois qui ne sont pas nos mois, on ne voit pas les hommes à la maternité. Wapendwa kama tunapenda kuweza kufanyikiwa Dieu régner. Na tubidi tumwache Mungu atawale katika jamii yetu. Quel sont les remèdes? Dawa ambazo tunapaswa kupata. Les remèdes qui peuvent nous aider. Dawa ambayo inaweza kutusaidia. La première chose nous devons garder nos cœurs. Jambo la kwanza natubidi tulinde mioyo zetu. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 1 le verset 24. Biblia inatuambia katika kitabu kia Mezali sura moja mstari makumi mbili na ine. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Linda moyo wako kuliko vyote ulivilindavyo. Car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Kwa kuwa ni humo ndiko kunatoka uzima. La vie provient de ton cœur. Inatoka ndani ya roho yako. Et la mort aussi peut provenir. Na mauti inatoka pia ndani ya moyo wako. Nous devons garder nos cœurs. Inatubidi tulinde mioyo zetu. Protéger nos cœurs plus que tout autre chose. C'est la raison pour laquelle Dio maana, nous devons prier pour nous. Nous avons besoin de prier pour nos cœurs. Tuna haja ya kuombea roho zetu et travailler sur notre personne. Na kutumika juu ya utu wetu. Entre à toi-même et regarde. Ingia ndani yako mwenyewe na utazame. Qu'est-ce qui peut faire que je sois un problème dans la Nini communauté, dans la société? Nini ambayo inaweza kuacha ni kuwe shida ndani ya jamii. Au lieu d'être une solution. Il, kusudi nisikuwe baraka. Travaille sur ta personne. Tumika juu ya utu wako. La troisième chose, exposons continuellement nos cœurs à Dieu afin de nous donner un cœur pur. Tuendelee kuweka tayari moyo wetu mbele ya Bwana ili atupatie moyo ulio safi. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 12, travaillez à votre salut. Biblia inatuambia katika kitabu kya Wafilipo, crainte et tremblement. Tutumike juu ya wokovu wetu tukitetemeka. Travaillons tutumike sur notre salut. Juu ya wokovu wetu. Exposons nos cœurs à Dieu. Tuweke mioyo yetu mbele ya Bwana. Dieu est capable de changer nos cœurs. Mungu ana uwezo wa kubadilisha roho zetu. Et nous donner un cœur pur. Na kutupatia roho iliyo safi. Et la dernière chose, nous devons remettre à Dieu sa place dans inatubidi nos vies. Tumwachie Mungu nafasi yake ndani yetu. Remettre à Dieu sa place dans nos familles. Tuachie Mungu nafasi ndani ya jamii. Remettre à Dieu la place dans notre communauté. Tuachie Mungu nafasi ndani ya mikutano yetu. Remettre à Dieu la place dans notre société. Tuachie Mungu nafasi ndani ya jamii yetu. Et si nous faisons ces choses, na tukitenda mambo haya, Dieu va nous aider. Mungu atatusaidia. Et nous allons être une bénédiction dans notre société. Na tutakuwa baraka ndani ya taifa letu. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu atubariki. Nous allons appeler les pasteurs. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen.